Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD passe à l'heure d'été. En canoë, en pédalo ou seul au boulot, en randonnée, dans une chaise longue, à la pêche à pied, en escalade pour la plage, tranquille dans la ville ou perdu dans la foule, 53 minutes de rediffusion choisies dans la série documentaire. Cette semaine, où est passé Le parfum des roses, une série documentaire de Jean-Baptiste Verrieras et Marie-Annick Belot, réalisée par Anne Pérez. Au départ de cette série, il y a la curiosité et l'envie de connaître les étapes du voyage que font les roses, de la terre souvent lointaine où elles ont poussé, jusqu'à ce seau de plastique blanc où elles trempent, enveloppées dans du papier transparent, inodore et solitaire. Mais il y a aussi cet étourdissement qui nous prend lorsqu'on se perd dans l'odeur des roses en été, au point de rêver de mettre ces odeurs en éprouvette. Et il y a aussi des noms, Cornelia, Porcelaine, Pompadour, Cuisse de Nymphe ou Pierre de Ronsard. Alors pour commencer, les personnages. Des rosiéristes qui sont un peu des apprentis sorciers, des chercheurs qui veulent mettre la rose en éprouvette, percer le secret de son parfum ou traquer son génome, et d'autres qui veulent domestiquer la fleur aux épines. Ensuite, le décor. Des laboratoires, des tubes à essai, des roseraies, des serres expérimentales, une centrifugeuse, des microscopes et des pipettes. Aujourd'hui, troisième épisode, même les scientifiques sont sous le charme. Oui, je sais, je m'en doutais un petit peu qu'il y ait du parfum parce que la mer est très très parfumée. Elle s'appelle Sweet Love. Voilà. Et elle est dans les mêmes tons, elle a la même forme et le parfum est encore là. Et si on la frotte, ça sent la térébenthine. On ne voit pas en fait ce qu'on fait. En fait, tout se fait dans des petits tubes transparents. C'est de la chirurgie au niveau moléculaire. C'est de la chirurgie de l'ADN au niveau moléculaire. Attention, s'il vous plaît. Faites les derniers préparatifs. Première phase. Première phase. La rose et le génome, un parfum de science. Fasse attention à ne pas s'en mettre sur la peau, parce que c'est quand même des choses qui ont tendance à dissoudre les graisses, donc forcément la peau c'est dangereux, c'est des produits qui peuvent être aussi dangereux, donc on a différents types de gants en fonction des solvants. Là aujourd'hui je vais utiliser de l'hexane, donc je ne peux pas utiliser de gants en latex. Si j'utilise des gants bleus, je suis protégé pendant une minute si j'ai une goutte sur les mains. Alors qu'avec des gants orange, je suis protégé pendant 52 minutes si j'ai une goutte qui tombe sur la main. Le génome, c'est un bouquin de l'histoire de la plante, en fait. Il faut qu'on apprend à les lire, en fait, et à les décrypter, à les comprendre. Une fois qu'on les a décryptés, qu'on les a compris, on peut penser à les utiliser comme marqueurs pour aider, par exemple, à la sélection, entre autres. Actuellement, les roses sont utilisées dans trois grands domaines. Jean-Claude Caissard, chercheur. Le domaine du parfum. Dans ce domaine-là, on utilise beaucoup de roses anciennes, Rosa centifolia, Rosa damascena. Donc, ce sont des roses qui n'ont quasiment jamais été améliorées ou presque pas. La deuxième utilisation des roses, c'est dans les jardins, dans l'ornement, sur les ronds-points, etc. Là, on a beaucoup de variétés modernes, mais aussi beaucoup de variétés anciennes qui sentent très bon. Et la troisième grande application des roses, c'est la fleur coupée. Alors là, la sélection a été complètement différente. Ce sont des roses qui ont été extrêmement sélectionnées pour tenir longtemps en vase et supporter les transports. Peu d'épines, un pédoncule floral très long pour avoir des roses en bouquet. Il se trouve que le parfum, c'est quelque chose qui est assez facile à perdre dans un schéma de sélection. Les obtenteurs nous disent toujours que quand ils croisent deux roses parfumées, ils obtiennent 10%, pas plus, de descendants parfumés. Alors vous imaginez un schéma de sélection dans laquelle vous avez 100 germinations, il n'y en a que 10 qui sont parfumées. Si c'est la 11e qui présente un port intéressant, une couleur intéressante, une tenue en vase intéressante, en quelques générations, le parfum est perdu. Et c'est peut-être ce qui est arrivé lors de la sélection des roses coupées, avec cet impératif qui était d'une longue tenue en vase, d'une rose qui met longtemps à fleurir, qui fait qu'on a perdu ce parfum dans les roses. Mais il n'y a rien d'inéluctable. Il n'y a pas d'incompatibilité a priori biologique entre le fait de tenir longtemps en vase et d'être parfumé. Il suffirait de refaire des schémas de sélection qui incluent le parfum. On a aussi la rose de Jéricho. Jacques Ronchon, rosier. Cette rose, hein, qui est symbole de résurrection aussi, parce que si je la trempe dans l'eau, elle va prendre des feuilles, hein, elle va se mettre à... Voilà, alors qu'elle peut rester comme ça pendant des années. Il suffit que je la mette dans l'eau pour qu'elle reverdisse. Donc la situation de la recherche mondiale sur les roses, c'est pas très développé. En fait, il n'y a pas beaucoup de recherche ornementale ou spécifiquement sur les roses. On a eu des concurrents très sérieux avec un laboratoire d'Israël qui travaillait avec un laboratoire américain. Ils avaient mis beaucoup d'argent pour extraire de l'ARN et bien comprendre le fonctionnement des roses. Il se trouve qu'ils ont arrêté. En ce moment, on monte aussi beaucoup de recherches sur les roses en Chine, où apparemment, ils sont aussi en train d'essayer de séquencer le génome. Nous, de notre côté, en Europe, on a un consortium, qui est un consortium international, mais qui est grandement basé en Europe, avec des Allemands, avec des Hollandais, avec des Français. Ce consortium, il est piloté par deux laboratoires, le laboratoire de Lyon, l'équipe de Mohamed Bendaman, et le laboratoire d'Angers, Fabrice Fouché. Donc le pilotage est français. Et c'est pour le séquençage du génome de la rose et la mise en place d'outils génétiques et d'outils génomiques pour comprendre tous les caractères du rosier, le nombre de pétales, la façon dont les roses vont pouvoir fleurir plusieurs fois dans l'année, la résistance aux maladies, le port de la plante, son architecture, et en particulier ce qui nous intéresse, nous, ici à Saint-Étienne, le parfum. Nous, lorsqu'on a démarré, notre objectif, c'était de comprendre deux aspects. Mohamed Bendaman. L'architecture de la fleur et le parfum. Directeur de recherche à l'ENS de Lyon. Lorsqu'on regarde toutes les espèces qui existent actuellement, en fait, la rose et d'autres espèces ornementales ou rosacées, hein, donc, la rose, c'est celle qui présente la plus grande diversité au niveau architecture florale et diversité des parfums. Et on a réalisé qu'il y avait très très très peu de connaissances en ce moment-là sur tout ce qui est génomique. Donc nous avons en ce moment-là donc décidé de commencer par le développement d'outils chez le rosier et de commencer à le comparer chez d'autres espèces rosacées. Colonel, on peut poursuivre. Phase 2. Phase 2. Alors il y a deux choses qu'on peut faire avec cette manip qui va commencer là. Donc on va broyer des tissus dans l'azote liquide. Il y a deux raisons à ça. C'est soit extraire l'ADN pour étudier les gènes, soit extraire l'ARN pour étudier l'expression des gènes. Comme je le disais tout à l'heure, les gènes sont présents dans toutes les cellules, donc on pourrait prendre n'importe quelle partie de la plante, racine, feuille, pétale, n'importe quoi, pour extraire l'ADN et étudier les gènes. Par contre, pour savoir comment et où ils s'expriment, à ce moment-là, il faut prendre les organes, organe par organe, et étudier l'expression des gènes, c'est-à-dire l'ARN messager, qui est la transcription du gène en molécules, qui vont, elles, travailler pour former des protéines et fabriquer tout ce qui est nécessaire à la cellule. Donc on pourrait, par exemple, broyer des feuilles, broyer des pétales, broyer des racines, et étudier dans chaque organe quels sont les gènes qui sont déclenchés, qui fonctionnent, à quel taux ils fonctionnent, et ceux qui sont silencieux, qui ne fonctionnent pas du tout dans cet organe-là. Ce qui nous intéresse, nous, c'est d'avoir les gènes qui fonctionnent dans les pétales, parce que c'est la source du parfum. Et donc, on va, là, dans cette manip, broyer des pétales pour extraire l'ARN messager, qui contient les messages, c'est-à-dire qui contient la fonction des gènes, le travail des gènes. Et ces ARN messagers, une fois qu'on les aura étudiés, on va essayer de deviner quel type de protéines ils peuvent bien coder, quel type d'enzymes ils peuvent bien coder, et ce que font ces enzymes. Donc c'est une des étapes de l'étude du parfum. Ces disques ont l'aspect caractéristique de protéines. Pas d'accord. Nous devrions en prélever un des fins d'analyse. Non, nous n'avons pas de temps à perdre. J'ai cueilli des pétales hier, je les ai trempés dans un solvant organique pour extraire les odeurs, les parfums. Et je vais récupérer donc le solvant organique qui est chargé des odeurs. Je vais le lancer sur la chromatographie en phase gazeuse pour analyser les molécules. Le chromatographe en phase gazeuse, c'est un tube très très long qui peut faire 7 mètres de long et quelques microns de diamètre. on va injecter l'extrait qu'on a fait de la plante à l'extrémité du tube. Et on va chauffer de 30 degrés à 250, 300 degrés selon les colonnes. On appelle ça les colonnes, les tubes. Et les molécules n'ayant pas toutes la même volatilité vont s'évaporer une par une à différentes températures. Et puis comme la colonne est très longue, eh bien elles vont aussi prendre du retard les unes par rapport aux autres. Et à la sortie de la colonne, les molécules vont sortir une par une. Voilà, donc là je prépare juste mes flacons, hein. Je prends mes bouchons, je prends ma pipette, et là je vais récupérer donc le solvant dans lequel les pétales ont trempé. Et je ne vais pas en avoir beaucoup parce que j'avais une quantité très très limitée, j'espère que je vais pouvoir en récupérer un peu. Chaque molécule qui sort de la colonne va être envoyée dans le spectromètre de masse, la molécule va être cassée en petits morceaux, de façon à avoir des fragments qui vont former une carte d'identité de la molécule. On va comparer ces fragments à une base de données informatique. Si les fragments ressemblent à telle molécule, on va valider, on va dire ça ressemble à du géraniol, donc ça doit être du géraniol. J'en ai vraiment, vraiment pas beaucoup. Donc ça, c'est une des premières étapes. On va avoir l'ensemble des molécules qui constituent le parfum de cette rose. Donc on va mettre les tubes dans la centrifugeuse. On va afficher une vitesse. Donc les vitesses peuvent monter selon les machines de 10 000 à 15 000 G, 12 000 G. Donc ce qui veut dire 10 000 fois l'accélération de la pesanteur. À titre d'exemple, quand on est dans une fête foraine, dans une centrifugeuse, qu'on crie parce qu'on est plaqué à la paroi, on doit monter à 1,5 G à peu près. Là, on a des appareils qui peuvent monter à 10 000, 15 000, et il existe même des ultra-centrifugeuses qui peuvent monter jusqu'à 300 000 G. Voilà, je la mets en route. On va donc mettre les tubes dans un distributeur automatique et on va créer un programme informatique. Il y a une petite seringue que vous voyez là en haut. Et cette seringue va venir piquer le tube, récupérer 1 ou 2 microlitres selon le programme informatique et envoyer automatiquement dans le début de la colonne, envoyer le produit de l'analyse, le solvant avec l'extrait végétal. Et à partir de là, c'est le temps zéro. La machine commence à chauffer pendant 1 heure ou 2 heures selon le programme informatique qu'on a réalisé. Quand on a décidé donc tous ensemble de faire le séquençage du génome de la rose, il a fallu se mettre d'accord sur une variété. Et chacun a donné ses impératifs. On devait avoir une odeur, on devait avoir un certain nombre de pétales, on devait avoir une résistance, on devait avoir plein de critères. C'était une grande discussion. Ça devait être diploïde aussi pour faciliter le séquençage du génome. Et donc du coup, on a choisi une rose qui est très importante dans la généalogie des roses modernes de jardin. C'est Old Blush, qui est une rose chinoise. À la serre. Vous montrez nos rosiers, le matériel d'étude. Le matériel. C'est le chantier. Je vous présente Philippe Verne, qui est chercheur dans l'équipe, donc c'est mon collègue. Voilà, donc on est les deux vieux de l'équipe. On a démarré il y a plus de 15 ans maintenant, 16 ans en fait. Oui, bah, le projet Rosier a démarré dans les années 99-2000 à peu près, au niveau de l'équipe. D'une part, c'est long et c'est court à la fois, parce que le temps de la recherche scientifique, c'est pas forcément le temps des politiques, c'est-à-dire c'est au-delà de l'échéance de 5 ans. Et donc 15 ans, c'est un temps moyen, moi je dirais plutôt, même dans le monde accéléré actuel. Le plus étonnant, moi je dirais que c'est l'accumulation de données génomiques au sens large, et puis l'élucidation des mécanismes d'élaboration du parfum quand même, où il y a quand même certaines voies qui ont été démontées. Donc ça, je trouve que c'est en partant de pratiquement rien, quoi, d'une plante où il n'y avait aucune base moléculaire, on n'avait pratiquement aucun outil, aucune connaissance de cet ordre, c'est relativement étonnant, on peut dire. Ça, c'est une serre de recherche, mais qui a été construite en 1994, donc qui accuse un petit peu son âge aussi, quand même. Elle est un peu en désordre, déjà, vous allez voir ça. Parce qu'on a une équipe culture un petit peu réduite par rapport à toutes les activités qu'on a. Et donc elle est divisée en compartiments pour pouvoir régler des températures, des conditions un petit peu variables selon les espèces qu'on y cultive, selon les besoins des expériences. On va s'habiller avec des vêtements de protection là, pour éviter de disséminer c'est par rapport aux normes de biosécurité en fait. Donc on va passer des charlottes et des blouses pour pénétrer dans la serre. Donc là, on a différentes formes d'old blush, différents mutants qui nous permettent d'étudier la formation des pétales, le nombre des pétales. Vous voyez que ça a plus de 5 pétales, quoi, donc c'est déjà plus une plante sauvage. Et ça, ça a été repéré dans un jardin par des colons, des marchands anglais au XVIIIe siècle. Ça a été rapporté en Europe via l'île de la Réunion, qui s'appelait l'île Bourbon à l'époque, et notamment qui a apporté le caractère de remontance, c'est-à-dire le fait de refleurir plusieurs fois dans l'année ou en continu. Elles ont tendance à s'épuiser vite. C'est des êtres vivants, hein, ça demande vraiment un suivi quotidien en fait. Il se trouvait que c'était une rose qui convenait relativement pour faire une sorte de modèle de laboratoire. Après, il y a des personnes qui ont old blush ou des parcs qui ont old blush en extérieur, en plantation, ou des descendants d'old blush. Le parfum d'une fleur, la plupart du temps, c'est des dizaines de molécules. En tout cas, chez la rose, c'est des dizaines et des dizaines de molécules. C'est très rare que ce soit une seule molécule. Les molécules peuvent être solides comme elles peuvent être volatiles ou liquides. Elles peuvent passer par plusieurs états. Et les plantes émettent des molécules volatiles. Dans l'odeur de rose, on a par exemple l'odeur du géraniol et du citronellol qui sentent un peu l'huile essentielle de rose. On a l'odeur du phényléthanol qui sent l'eau de rose. On a aussi un petit peu de méthylogénol qui sent le clou de girofle. On a du diméthoxytoluène qui sent l'odeur du thé, etc. Donc on a différentes molécules qui constituent ce bouquet un peu complexe. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'analyse chromatographique va donner des noms de molécules, mais que c'est pas parce qu'on a des noms et des quantités de molécules qu'on connaît exactement l'odeur. Le nez n'analyse pas du tout les molécules comme un chromatographe en phase gazeuse. Le chromatographe va nous donner le nombre de molécules dans chaque catégorie. Le nez va nous donner des sensations. On peut avoir des molécules qu'on ne sent pas du tout. Par exemple, en ce moment, dans l'air, il y a de l'azote, de l'oxygène, du gaz carbonique. Ça n'a aucune odeur pour nous. Pour un moustique, le gaz carbonique, ça a une très bonne odeur. Dans la fleur de rose, c'est exactement la même chose. On a des molécules qui peuvent être à l'état de traces, comme par exemple les ionones, qu'on détecte à peine en chromatographe en phase gazeuse, mais par contre qui vont donner une note extraordinaire de violette à la rose. J'adore la dame de Chenonceau, parce que son parfum particulier, c'est qu'elle sent la nuit. Moitié pivoine, moitié rose anglaise, et un parfum anisé... Elle est magnifique. Monsieur Laperrière, vous êtes rosiériste. C'est un joli métier, n'est-ce pas ? Oui, évidemment. Il a beaucoup de charme. Il a quelques épines, comme toutes les roses. Vous vivez avec les fleurs, mais je crois que votre famille, depuis longtemps, fait bon ménage avec les fleurs, n'est-ce pas ? Oui, évidemment, puisque c'est mon grand-père, déjà, qui, il y a un siècle cette année, a cultivé pour la première fois des rosiers à Champagne. Et vous avez continué, la famille a continué. Mon père, oui. Je continue, et J'ai un fils qui continue également. Bravo. Donc vous aimez les roses, vous vivez avec elles. Quelles sont les qualités des roses ? Les qualités des roses, c'est d'abord de fleurir. Et de fleurir beaucoup. De garder leur couleur. Oui. D'avoir peut-être le moins d'épines possible. Mais ça, c'est assez difficile. Et une qualité qui est assez recherchée et qui est assez difficile à acquérir, c'est le parfum. Oui. C'est quelque chose de subtil. Subtil non pas par l'odeur, mais par la possibilité de l'obtenir. Deux croisements de variétés odorantes peuvent parfaitement vous donner des produits qui ne sentiront absolument rien. Alors que, par hasard, on peut trouver une rose nouvelle issue de parents qui ne sentent pas et qui, ce produit présente des qualités de parfum parfois surprenantes. Oui, donc les roses sont capricieuses. Par certains côtés, oui, elles sont peut-être un peu féminines. Alors là, ce n'est pas gentil. Je croyais bien que je ne pense pas à vous, mais enfin, on le dit, et je le répète. Sous lesquelles on fait les manips. Jérémy Juste. Donc c'est toujours le RDP. RDP, reproduction et développement des plantes. Donc pour travailler de façon stérile sur des plantes et les mettre en culture sur des milieux artificiels, on se met sous ces appareils. Ce sont des hôtes à flux laminaires. C'est en gros un ventilateur avec un filtre très fin qui retient tout ce qui est bactéries, spores de champignons et tout. Donc dans le flux d'air, on est complètement stérile. On peut faire des manipulations sur des multicultures éventuellement riches et il n'y aura pas de moisissure après. Donc là dans cette boîte, on a l'impression de voir des petits chewing-gums jaunâtres. Ce sont des cales. Donc chacune c'est une plante mais sous forme de cellules indifférenciées qui se développent. Et qui prolifèrent sans former de feuilles et de racines. Donc ça, c'est une étape. Quand on a voulu extraire le génome homozygote à partir du rosier qu'on avait séquencé, normal qu'on avait séquencé, on est passé par cette étape-là. Et en fait, le rosier homozygote qu'on a, il a beaucoup de mal à se développer et faire des plantules. Donc on le maintient sous forme de cale, comme ça. Sûrement que quand on a extrait comme ça une moitié du génome, il manque certains des allèles, donc certaines des versions des gènes, pour avoir une plante qui soit robuste, et déjà complète et robuste après qu'on puisse mettre en serre. Donc on le maintient cette forme-là. Il est très difficile d'éviter le pourquoi, n'est-ce pas ? Jean Rostin. Le pourquoi nous vient de la gorge à chaque instant, mais le scientifique le repousse et doit le repousser. Évidemment, la science, vous le savez, c'est une banalité, s'occupe du comment, ne s'occupe pas du pourquoi. C'est d'ailleurs ce que lui reprochent beaucoup de croyants. Dit, vous nous répondez sur le comment, mais vous ne nous répondez jamais sur le pourquoi. Mais ce n'est pas le rôle du scientifique. Le scientifique, soigneusement, écarte l'idée du pourquoi. Et l'autre a également le droit de lui répondre, vous n'avez pas le droit de l'écarter, n'est-ce pas ? Il est impossible de prouver que le pourquoi a droit d'exister et de prouver qu'il n'a pas droit d'exister, n'est-ce pas ? Ça, c'est, au fond, c'est toute la question. Est-ce que la question du pourquoi a un sens ? Pour nous scientifiques, elle n'en a pas, mais nous ne sommes pas sûrs qu'elle n'en a pas. Bien sûr. Et naturellement, nous ne pouvons pas y répondre. Actuellement, on développe plein de big data en biologie, c'est-à-dire qu'on a énormément de données, de séquençage, d'ARN, d'ADN, de protéines, etc. Donc c'est très bien, il y a des méthodes algorithmiques qui sont développées pour tirer de l'information de ces données. Mais à un moment donné, il faut se poser la question de savoir, de revenir au fonctionnel, c'est-à-dire qu'on a trouvé des gènes qui servent peut-être à quelque chose, mais on ne sait pas à quoi. Et quand on en revient au fonctionnel, on retombe dans des expériences qui sont longues, fastidieuses, qui prennent des semaines et des semaines, voire des années. Et c'est un petit peu ce qui nous est arrivé avec ce gène. Une fois, on a déjà la manipulation, l'expérience qui consistait à extraire les ARN messagers d'une rose odorante, non odorante, de les comparer, ça a été quelque chose de difficile parce que la technique de comparaison elle-même est lourde et de longue haleine. Et puis une fois qu'on a eu trouvé ce gène, on ne comprenait pas à quoi il servait, parce qu'il ne servait pas à la même chose dans d'autres plantes. Et il a fallu beaucoup d'imagination pour essayer de comprendre à quoi ça pouvait servir. Et je vous avoue franchement qu'on a failli abandonner. On a eu deux thèses donc, de 3 ans dessus. On voyait qu'il avait un lien dans la biosynthèse du parfum. On le voyait, notre directrice de laboratoire, elle était absolument persuadée qu'il fallait continuer dans cette voie. Et en fait, on a trouvé ce qu'il pouvait faire en discutant dans les congrès de nos résultats avec des collègues, en particulier avec Michel Romer de Strasbourg. Il nous a donné une idée, et il nous a dit « si votre gène, il enlevait simplement un phosphate à un substrat ». Et cette petite phrase a déclenché toute la compréhension du phénomène. On s'est dit « oui, et s'il enlève juste un phosphate, eh ben, on doit obtenir tel produit, du géranyl monophosphate. À ce moment-là, il faut telle technique pour le détecter, la chromatographie en phase liquide. On a contacté des collègues qui avaient cet appareil, on a été chez eux, et c'est comme ça qu'on a validé cette hypothèse et qu'on a montré que ce gène avait ce rôle-là dans la voie de biosynthèse du géraniol. Mais si on n'avait pas eu cette discussion, si on avait gardé tous nos résultats secrets, si on n'en avait pas parlé, eh bien, peut-être qu'on aurait fait comme nos concurrents qui avaient ce gène dans leur banque de données sur Internet. On n'aurait jamais trouvé à quoi il servait. Et c'est comme ça qu'on a démontré que la rose faisait une molécule commune dans la nature, mais de façon très différente. Alors, on a une série de congélateurs à moins 80 degrés, qui est dans cette pièce un peu bruyante, parce que c'est les moteurs des congélateurs. Est-ce que vous sentez les odeurs dans ce frigo? On a plein d'huiles essentielles, de standards. Ce qu'on appelle les standards, c'est les molécules purifiées qu'on peut acheter chez des fabricants de chimie. Et ce sont des molécules, une par une, dans des flacons, vous voyez là. Et si on a un doute sur une molécule de notre analyse, on peut toujours réinjecter dans la colonne le produit purifié et le comparer à celui qu'on observe chez la rose pour essayer de valider, voir si c'est exactement la même chose ou pas. Une séquence d'un gène, c'est une succession de nucléotides, okay, dans un ordre bien précis, et leur séquence peut différencier un gène d'un autre. Donc c'est cette séquence-là qu'on décrypte. Une séquence qui va pouvoir produire une protéine, dans la majorité des cas, et cette protéine, elle a une fonction. Okay. Donc décrypter le génome, ça donne l'information sur les gènes, et sur les régions qui sont entre les gènes, qui ont une fonction bien précise, dont certains on connaît, d'autres on ne connaît pas. Alors, Jérémy Juste, bioinformaticien CNRS, qui m'occupe d'analyse de toutes les données génomiques et transcriptomiques pour le laboratoire, et notamment sur le projet Rosier, pour le séquençage du génome. À l'ENS, on a un centre de calcul qui regroupe tous les serveurs de calcul pour tous les laboratoires, biologie, mais aussi physique, astrophysique, mathématiques. C'est des calculs qui peuvent durer des fois plusieurs semaines. Donc là, dans la salle des machines, il y a tous les serveurs. On a à peu près 600 machines, 5000 processeurs qui peuvent tourner, faire des calculs. Donc les calculs peuvent prendre entre quelques heures et plusieurs semaines. On est sur des volumes de stockage là où on a à peu près 10 000 teraoctets de stockage. Je vais me connecter au serveur qu'on a été visiter. Le génome, c'est la ligne qui est au milieu de mon écran là. Et par-dessus, on a des petits rectangles de couleurs qui indiquent les régions qui vont être fonctionnelles dans la protéine. Et là, vous avez des comparaisons avec d'autres espèces. Donc on voit que ce gène-là, il ressemble à un gène du pommier par exemple. Donc le génome, c'est juste une série de lettres ATGC qui correspondent aux 4 bases de l'ADN dans un très grand fichier. Donc là, le fichier du génome fait presque 1 gigaoctet. Le génome humain fait 3 gigaoctets. Une dizaine d'années, ou plus d'une dizaine d'années, hein, on pouvait produire quelques milliers de séquences et on était très contents. Maintenant, on produit des milliards de séquences. Donc les technologies ont évolué, ça nous a permis de séquencer la totalité du génome. Et maintenant, on a l'information sur les environ 30-35 000 gènes qui existent chez le rosier. La séquence du génome du rosier, c'est pas une fin en soi. C'est un outil extrêmement puissant pour comprendre et analyser et observer les gènes de la rose et des autres rosacées, parce qu'il y a d'autres rosacées qui sont déjà séquencées, comme la pomme, comme la mûre, etc. Il y a différentes rosacées séquencées, on va pouvoir comparer. Et en fait, pour nous, le génome, c'est un peu comme une carte géographique pour un explorateur. C'est un support qui va permettre de dire, ben tiens, là on n'y est pas allé, là on n'a pas vu, il faut qu'on aille voir ce qu'il y a, il faut qu'on aille voir ce qu'il y a comme gène, et ça va nous aider à aller beaucoup plus vite pour comprendre la génétique du rosier. Donc c'est une approche extrêmement importante, et qui va servir à tout le monde, à ceux qui travaillent sur la couleur, sur le nombre de pétales, sur la remontance, sur les résistances aux maladies, etc., etc. Ce type de découverte peut être utilisé dans le génie génétique. Seulement, il faut envisager les coûts et la possibilité technique de le faire. Autant d'énormes boîtes comme Monsanto et compagnie peuvent envisager de faire des plantes de grande culture, d'en faire des OGM, parce que derrière, il y a de la vente, et il y a la possibilité de champs énormes, et il y a des gains énormes à avoir. Autant dans le domaine de l'horticulture, le marché a beau être grand, il n'est pas énorme, et les coûts associés à la fabrication des OGM ne sont pas forcément pertinents. Ça, c'est le premier aspect. Donc, au niveau économique, je ne sais pas trop si ce serait rentable, d'autant plus que c'est extrêmement difficile de faire des OGM. On ne fait pas des OGM comme on veut, il faut des programmes de développement qui sont énormes, qui durent longtemps. Donc, je ne sais pas si ça serait vraiment rentable. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est que nous, ici, dans notre labo, ça nous intéresse pas spécialement. On préfère s'attacher au programme de sélection parce qu'on les voit plus gérables, plus intégrables dans les sélections des plantes aromatiques et à parfum. On fait des OGM, on est capable d'en faire, on sait faire, mais c'est uniquement pour essayer de comprendre et de valider la fonction des gènes qu'on utilisera ensuite dans les programmes de sélection. On a des contacts avec les obtenteurs. Il se trouve que les obtenteurs, ce sont des familles qui travaillent depuis plusieurs générations sur les rosiers. Ils n'ont pas les mêmes moyens que peuvent avoir les multinationales pour faire des variétés de maïs ou de riz. Ils font des variétés à la main, souvent pollinisées au pinceau. Et peut-être que ces schémas de sélection peuvent leur paraître loin, mais en ce moment même, il y a des tas de pays qui s'y mettent, y compris dans le domaine horticole. En Chine, en Amérique, les méthodes de biotechnologie, de schémas de sélection très modernes avec des marqueurs génétiques commencent à se faire dans des plantes. On sait par exemple que en Hollande, ils commencent à utiliser ce type de méthode pour sélectionner des pétunias. D'ailleurs, ils nous soutiennent énormément, en fait, pas forcément financièrement, mais ils soutiennent en fait les projets actuels sur la génomique et la génomique fonctionnelle chez le rosier. Pourquoi ? Parce que vous vous rendez compte, si on trouve un marqueur qui est associé à une molécule parfumée bien précise et on connaît que ce gène, lorsqu'il est exprimé, on a ce parfum, lorsqu'il n'est pas exprimé, on n'a pas ce parfum, ça peut être un marqueur très très très important pour aller très tôt au cours de la sélection, dans des petites plantules, avant d'attendre la floraison, regarder les plantes qui sont prédisposées ou qui ont le plus de potentiel d'être parfumées ou non. Okay. Mais ça peut s'appliquer aussi à la résistance à un pathogène, okay, un gène qui permet d'induire une résistance à un champignon ou à une bactérie, par exemple. Ça peut s'appliquer à une forme florale, ça peut s'appliquer à un système racinaire bien vigoureux, ça peut s'appliquer aussi à une feuille d'une forme et d'une couleur bien définie, à un port de la plante, etc. La sélection actuelle du rosier, ça engendre la production de beaucoup de plantes, beaucoup de travail, beaucoup d'irrigation, beaucoup de consommation de produits phytosanitaires. Etc. Si on arrive à utiliser les outils et les connaissances qu'on a actuellement, on pourra sélectionner très rapidement et assez facilement des génotypes qui ont des caractères voulus ou recherchés, qui représentera un gain d'espace de culture, un gain en irrigation, un gain au traitement phytosanitaire, et ce qui est très important sur le plan écologique. Hein, donc, ça permet de gagner beaucoup de temps même, puisqu'on peut directement génotyper, c'est comme ça qu'on dit, génotyper les plantes dès la germination. Il y a des plateformes de génotypage, par exemple, qui sont connues dans le monde entier. Il y en a une à Clermont-Ferrand, où ils sont capables de passer des millions de germinations dans le mois et de ne garder que celles qui sont les plus prometteuses. Et on espère qu'un jour, en ornement, on pourra faire la même chose. Alors, cette logique ne va pas du tout à l'encontre de la diversité du vivant, puisque pour trouver des caractères intéressants, il faut retourner dans le vivant. Il faut, nous, on étudie beaucoup les espèces botaniques sauvages de roses. Il y en a 120, 130, peut-être 150 selon les livres dans le monde. Et on a un gros programme d'études de ces variétés sauvages, de ces roses, de ces espèces sauvages, pour essayer de voir si on ne peut pas retrouver dedans des caractères parfumés qui pourraient être intéressants, récupérer le pollen et polliniser des roses actuelles pour remettre certains parfums dans les schémas de sélection. On est très attaché à la biodiversité, mais à la biodiversité sauvage et à la biodiversité des variétés. On est aussi attaché à la conservation des variétés. Parce que la question qu'on se posait, c'était de savoir si cette nouvelle fonction de ce gène était apparue durant l'évolution des roses sauvages, ou bien si c'était une conséquence de la domestication par l'homme. On sait que quand l'homme domestique une espèce, on peut voir apparaître des nouveaux caractères. Par exemple, on a des collègues qui nous ont expliqué que certaines roses qui sont rouges, un peu la couleur d'un camion de pompier, ce rouge très vif, est un pigment qui n'existe pas chez les roses sauvages. C'est un pigment qui est apparu suite à différents croisements que les obtenteurs ont faits. Donc la domestication peut avoir des conséquences génétiques. En termes fondamentaux, il y a de très grandes différences dans l'évolution des génomes sauvages et l'évolution des génomes après domestication. En général, après domestication, on a ce que l'on appelle un goulot d'étranglement évolutif. Si on pense par exemple aux races de chiens et de chats, on a une domestication, un goulot d'étranglement, c'est-à-dire qu'on a très peu de fondateurs des chiens et des chats. Mais par contre, après, l'homme va créer différentes variétés bien distinctes. Et l'homme va donc rediversifier la génétique et va donc créer des chiens-loups, des chihuahuas, des bassets, etc., qui sont tous différents, comme les roses sont toutes différentes. Il va recréer de la diversité à partir d'une base génétique très faible. Et c'est pour ça que souvent, on a envie, on souhaiterait retourner aux plantes sauvages, parce qu'il y a peut-être des roses qu'on n'a pas utilisées dans la nature. Et si on arrivait à les polliniser avec des roses modernes, ce qui est tout à fait possible, c'est compatible, eh bien peut-être qu'on pourrait introgresser un nouveau caractère intéressant. Par exemple, récemment, je ne sais plus à quelle époque, puisque j'ai pas les chiffres en tête, mais il y a eu une introgression de Rosa persica, qui est une rose qui a un cœur foncé, et on obtient des variétés actuelles qui ont un cœur foncé. Donc elles ont deux couleurs. Donc on peut réutiliser de la biodiversité sauvage pour remettre dans la biodiversité cultivée. Hippolyte est une rose gallique de datation inconnue. Ce rosier presque sans épines donne des fleurs plates dont le centre, à l'opposé de la disposition classique, est plus clair que la périphérie. Valérie Chansigaud, historienne. La corolle se révèle riche en nuances subtiles et s'épanouit de façon particulièrement remarquable. Donc il est très résistant au froid, il est résistant à tout. Hippolyte est une vieille variété qu'on trouve encore plantée près des corps de ferme, dans les pays de montagne, qui se transmet de génération en génération en fait. La nature c'est quoi? C'est des interactions entre individus, entre plantes, entre humains, animaux et plantes, réaction à l'environnement, et tout ça c'est des systèmes complexes, et le vivant réagit à tous ces éléments-là. À chaque instant, à chaque moment, en fait, on réagit d'une manière ou d'une autre. Et tout ça, ça influence en fait notre organisme, ça influence notre... Lorsque je dis influence, c'est pas négatif, hein, c'est influencé positivement aussi. Hein, donc notre organisme réagit, en fait l'organisme de la plante réagit, les cellules réagissent, les gènes réagissent pour s'adapter à cet environnement. Il faut savoir une chose aussi, la différence entre les plantes et les animaux que vous connaissez bien. Un animal, en fait, il va se déplacer pour s'adapter mieux à son environnement parce qu'il est mobile. Une plante, elle est fixée. Donc il a plus de contraintes, elle est plus poussée à s'adapter à son environnement parce qu'elle est figée à un endroit. Elle va pas dire, il y a le soleil qui arrive là, je vais essayer de me déplacer pour me mettre à l'ombre. Elle peut pas. Donc il faut que ça, elle s'adapte à cet excès de luminosité ou bien ce manque de luminosité pour aller chercher le soleil. Voilà. On est en perpétuelle adaptation avec notre environnement. Finalement, de tout cela, on retire une impression de grande indécision. D'une part, la nature fait une règle générale de l'hermaphrodisme, en rapprochant dans la fleur les organes des deux sexes, et en même temps, elle s'ingénie à éviter l'issue normale de cette stratégie, la fécondation de la fleur par elle-même, qu'elle semble condamner, mais sans l'interdire strictement. Que deviendrait la fleur, en effet, sans cet ultime recours? Dès lors qu'elle est immobile, elle serait impitoyablement condamnée au célibat. La promiscuité des sexes, qui est de règle chez les fleurs, compense donc l'inaptitude à voyager à la rencontre d'un partenaire. La fleur ne peut pas se déplacer pour répandre son pollen. Elle a besoin soit du vent, soit des insectes. Et donc les plantes qui sont pollinisées par des insectes vont développer tout ce qu'elles peuvent au niveau des fleurs pour les attirer. La forme, la couleur, l'odeur, etc. Dans la nature, le premier mode de communication entre les êtres vivants, c'est les molécules. Tous les êtres vivants communiquent par molécules. Des bactéries, aux protozoaires, aux animaux, aux végétaux. Absolument tous les êtres vivants communiquent par le biais de molécules. Ce qu'on appelle la communication chimique. Et donc, c'est le premier langage. Vous avez des colonies qui se rassemblent parce que le premier individu a émis une molécule, a été senti par les autres, et des colonies de cellules vont toutes se rassembler autour de cette molécule. Vous avez des animaux qui se sentent les uns les autres pour se reconnaître parce qu'il y a une signature olfactive de l'individu dans l'odeur. Vous avez des insectes qui vont aller vers telle plante plutôt qu'une autre parce que la plante est d'une certaine couleur. La couleur, ce sont des molécules, hein, ou d'une certaine odeur. Vous avez des plantes qui communiquent entre elles. Une plante qui est attaquée va émettre des composés volatiles qui vont prévenir sa voisine qu'elle est en train d'être attaquée. Et la voisine qui n'est pas encore attaquée va se mettre à synthétiser des poisons pour se défendre à l'avance. Donc même les plantes communiquent entre elles par le biais de molécules. C'est le premier langage de la nature. C'est donc ça la vie ? Qu'en pense le biologiste ? Qu'en pense Jean Rostand ? Un homme est un homme parce qu'il a dans ses chromosomes un certain DNA, c'est-à-dire une certaine substance chimique d'une certaine composition. Toute la différenciation des espèces animales, au fond, n'est qu'une différenciation de DNA. L'évolution peut être considérée comme l'épopée du DNA. Le DNA n'est pas seulement le siège de la spécificité, il est aussi le siège de l'individualité. Tous les hommes ont des DNA différents. Le DNA de Pierre n'est pas le DNA de Jacques, qui n'est pas le DNA de Paul. S'il est le siège de la spécificité, de l'individualité, le DNA est aussi le siège de l'hérédité. Nous ressemblons à nos parents parce que nous recevons des molécules, nous recevons un paquet de molécules de DNA et de la mère et du père. Chacun de nos parents nous a légué la moitié de son DNA. Ce DNA peut être normal, il peut être anormal, d'où l'importance considérable du DNA pour la médecine. Il y a un très grand nombre de maladies, nous le savons aujourd'hui, qui sont dues à des défectuosités du DNA. Tout un chapitre de la médecine n'est en somme que l'étude des défectuosités du DNA. On l'appelle d'ailleurs la médecine moléculaire. Enfin, ces molécules de DNA sont des grosses molécules, des molécules géantes, qui sont à la limite, si l'on peut dire, de la chimie et de la vie, des molécules qui ont encore le pouvoir d'auto-assimilation, d'auto-reproduction. On peut donc espérer que cette étude du DNA pourra nous conduire à mieux connaître le, ce qu'on peut appeler le secret de la vie. « à chaque fois qu'on découvre quelque chose, il y a 10 questions qui apparaissent. On pense qu'avec la question qu'on a posée, on va avoir une réponse. Mais en fait, on aura plus de questions que de réponses. Avant que je commence à travailler sur le rosier, en fait, je voyais la rose comme une fleur que j'offrais à ma femme. Mais maintenant, j'essaie de la regarder à l'intérieur. La première chose que je vais regarder, je vais dire, tiens, elle est différente de celle que j'ai offerte. Mais pourquoi ? Bah tiens, celle-ci, elle monte. L'autre, elle n'est pas grimpante ou elle forme un buisson ou les feuilles sont, ils ont un lustre bien différent de l'autre. Et tout ça, c'est des questions qu'on arrive à se poser une fois qu'on a regardé en fait le contenu du génome de cette plante-là. Donc, c'est des questions que mes collègues se posent partout dans le monde. Mes collègues qui travaillent sur le rosier, hein. Il y a plein de laboratoires qui travaillent sur la feuille ou qui travaillent sur d'autres aspects du rosier. La nature n'a pas fait, pour les plantes, le choix clair qu'elle a fait pour les animaux supérieurs et les humains. Les sexes y sont portés par des individus différents. Ce qui n'est pas forcément beaucoup mieux, car cela oblige les 10 individus à dépenser une énergie considérable pour trouver leur moitié afin de reconstituer l'unité perdue. C'est une caractéristique du monde des fleurs que d'explorer tous les chemins possibles de la sexualité. Finalement, même sans cerveau, sans fantasme, sans tabou, le monde des plantes a au moins autant de problèmes sexuels que celui des hommes. Elle est un peu jeune, celle-là. Habituellement, on travaille sur des fleurs épanouies, c'est-à-dire au moment où la fleur émet le plus de parfum. Faut pas oublier qu'à l'origine, les fleurs émettent du parfum pour attirer les abeilles. Donc elles émettent le parfum quand les étamines sont ouvertes et que le pollen est disponible et que l'insecte va venir dans le pollen et transporter le pollen sur son corps. Donc normalement, le pic d'émission du parfum, c'est quand la fleur est bien ouverte. Et en plus, pour les roses, c'est très souvent le matin, quelque chose entre 5h et 10h du matin. On a par exemple ici Rosa centifolia, qui est utilisée à Grasse pour faire des extractions au solvant. Et c'est cette rose qui est par exemple dans Chanel numéro 5. Et puis on a ici par exemple la rose de Damas, Rosa damascena, qui est cultivée en Turquie, en Bulgarie, partout, pour faire de l'huile essentielle. Donc celle-là, elle est trempée dans de l'eau, elle est distillée à la vapeur, et l'huile essentielle est récupérée. Donc c'est pas le même usage qui va en être fait. Et on a une collection ici de pélargonium odorant. Chacun a une odeur différente. Vous avez ici par exemple des pélargoniums qui ont l'odeur de menthe, l'odeur de citron, l'odeur d'orange, l'odeur de rose, c'est ça qui nous intéressait énormément. Ils sont capables de fabriquer la même odeur par leurs feuilles et non pas par leurs pétales. Une odeur poivrée aussi, enfin on a différentes odeurs. Donc on a une thèse qui s'est faite en partenariat avec un industriel du parfum qui était très intéressé par l'étude de ces différentes plantes en tant que source d'huile essentielle. Donc ces fameux géraniums, ou pélargoniums plus exactement, fabriquent ce géraniol d'une façon, je vais dire, assez classique. L'originalité de la rose, c'est qu'elle fabrique aussi du géraniol, mais pas du tout de la même façon. Elle le fabrique grâce à une autre enzyme qu'on appelle une nudix hydrolase. Ça a été vraiment une grande surprise quand on a trouvé ce gène, parce que ce gène, il a strictement rien à voir chez les autres espèces avec le parfum. C'est-à-dire qu'il empêche certaines mutations de l'ADN dans les cellules de mammifères, par exemple. Et donc, chez la rose, il a complètement perdu cette fonction. Il se contente de fabriquer du géraniol pour probablement attirer les insectes. Alors, ça peut paraître surprenant, mais on sait dans la nature que les mêmes organes peuvent avoir différentes fonctions. Par exemple, nos bras servent à voler chez les oiseaux. C'est exactement les mêmes organes. Sauf que chez les oiseaux, ça fait des ailes, alors que chez nous, ça fait des bras et des mains. Donc, même au niveau moléculaire, certaines enzymes peuvent avoir une fonction chez une plante et une autre fonction chez une autre plante. C'est un océan de vie. Docteur Duval, ça c'est quoi selon vous ? Papa Meillan est un rouge très très foncé et c'est l'une des roses les plus parfumées qu'il existe. Karine Venet, rosieriste. Vraiment presque noire et la texture de ces pétales, c'est du velours. Après, vous avez la Charles de Gaulle qui a un côté plutôt parme. La rose est plus petite, le parfum un peu moins puissant. Vous avez la Charlène de Monaco, elle est pêche. Elle fait partie des nouveautés aussi, et elle est couleur pêche. Très demandée pour les mariages là depuis 2 ans, parce que toutes les tendances sont du côté pêche, saumonée pour les mariages. Et après, vous avez la Yves Piaget qui ressemble à une pivoine. Souvent, on la confond avec une pivoine niveau forme. Il y a des choses très marrantes qui ont été faites dans le domaine de la rose. C'est par exemple les roses de Shiseido qui ont envoyé des roses dans l'espace et qui ont, disent-ils, dans leurs plaquettes publicitaires, récupéré les odeurs et que les odeurs des roses qu'ils ont récupérées dans l'espace avaient une influence sur le bien-être. Ils ont, soi-disant, observé des effets sur le cerveau humain. David, voici la fleur que Winna m'a donnée. Tenez, je vous en fais cadeau. Vous qui vous intéressez à la botanique, dites-moi si c'est une espèce connue de nos jours. Ils l'ont appelée Sensation. La rose du futur, on aimerait bien avoir une rose qui est très jolie, du point de vue couleur, hein, donc qui reste un mois dans le vase, hein, c'est pas le cas actuellement, qui est très très odorante. Mais bien sûr, pour ça, il va falloir encore produire beaucoup, beaucoup, beaucoup de connaissances et impliquer beaucoup, beaucoup de gens dans ce travail. Et surtout, avoir beaucoup de soutien financier pour aboutir et à compléter, en fait, tout ce travail. Comme vous savez, la recherche, actuellement, en fait, a besoin de soutien. Le futur d'une société, c'est la recherche scientifique. Je vois pas trop d'intérêt à créer une rose qui aurait tous les caractères dont on aurait rêvé, résistance aux maladies, parfums, couleurs, etc. parce que, On s'entendra jamais sur ce qu'est la rose parfaite. C'est impossible de savoir quelle est la couleur idéale. Peut-être que quelqu'un préférera une rose rouge alors que l'autre préférera une rose blanche. Mais au niveau parfum, il y a des gens qui vont préférer une rose à odeur de thé chinoise et d'autres une rose à odeur vraiment de rose et d'autres une odeur très très bizarre, une odeur de framboise ou de pêche. Donc déjà pour cette raison-là, on aurait beaucoup de mal à définir une rose parfaite. Et puis ensuite, ça serait triste. J'ai du mal à croire qu'il puisse y avoir une plante idéale qu'on pourrait manger, boire, renifler. Ça n'a pas d'intérêt, puis ça serait triste. Je pense que les variétés doivent être renouvelées régulièrement. Que ça fait aussi partie du plaisir de découvrir une plante qui, une année dans un catalogue, est orange, et puis l'année d'après, elle est jaune, et puis après l'année d'après, elle sent la framboise. Ça fait partie aussi du plaisir de l'ornement. Je suis sûr, par exemple, que quelqu'un qui aurait une rose bleue aurait un succès commercial pendant des années, puis après, au bout d'un moment, les gens voudraient une rose d'une autre couleur. Qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que la vie, ce sont des problèmes, je vous avoue, qui me paraissent de plus en plus épais. Plus je vais et moins je me sens capable non seulement d'y répondre, mais même de dire quelque chose de valable là-dessus. Vous m'avez demandé une définition de la vie, eh bien je vous dirais que peut-être la meilleure est celle qui a été rappelée par le grand biologiste Queneau, c'est la définition d'Anatole France. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je crois qu'elle est dans le jardin d'Épicure, je ne sais quoi. La vie, c'est de l'inconnu qui fout le camp. C'est une très belle définition et je crois qu'aucun biologiste n'est capable actuellement de dire quelque chose de plus précis que ce qu'a dit Anatole France. Ce sont donc les littérateurs qui finiraient par avoir le dernier mot. Oui, du moment que c'est un mot d'ignorance, c'est un mot d'ignorance. Et en effet, pour l'instant, nous sommes obligés de faire un aveu d'ignorance en ce qui concerne la vie. Où est passé le parfum des roses? La rose et le génome, un parfum de science. Avec Karine Venet, Valérie Chansigaud, Philippe Lapeyrière, Jacques Ronchon, Mohamed Bendaman, Philippe Verne et Jérémy Juste du laboratoire RDP de l'ENS de Lyon. Et Jean-Claude Kessard, qui a expliqué le travail collectif des enseignants-chercheurs du laboratoire de biotechnologie végétale appliquée aux plantes aromatiques et médicinales de l'Université de Saint-Étienne, en collaboration avec le CNRS, l'INRA et les roseraies de Caluire, Lyon et Saint-Galmier. Documentation: Linda Simon, Amélie Briand-Lejeune, Anne-Lise Signoret, Romain Couturier. Équipe de réalisation, Marie Le Peintre, Claude Niort, Anne Pérez. Remerciements à Léa Galanopoulou. Ce documentaire a été soutenu par la bourse Brouillon d'un rêve de la SCAM. Une série proposée par Jean-Baptiste Verrieras et Marie-Annick Bello. LSD à l'heure d'été, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, liens, replay et podcast pour la montagne, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter et sur Instagram. N'hésitez pas à nous laisser des messages. Et demain, dernière étape, Bread and Roses, les roses mondialisées.